ma main dans ta main, qu'est-ce que je me sentirais bien. Et c'est pas les doigts dans le nez que je le retrouverai. Ma main dans sa main, qu'est-ce que je me sentirais bien. Et c'est pas les doigts dans le nez que je le retrouverai. Le coup de foudre, je sais pas si ça existe. Ce mec m'a fait comprendre tout de suite que peut-être bien que oui, je pense plus qu'à lui. Il est parti comme un voleur, comme un escroc, comme un bandit, sans même me laisser l'adresse de son domicile. Te reverrai-je un jour, mon petit amour? M'as-tu enterré pour l'éternité? La prochaine fois, je te louperai pas, je te ligoterai, je t'attacherai le pied. Avec mon pied.